Chapitre 54. La Chazadée et sa famille. Les refuges. Un percepteur en disgrâce. La pétition des soldats. 9 hommes étranglés en présence de Sa Majesté Nasser Eddin Shah. Si les Persanes répondaient toutes aux épithètes qu'on leur donne, il n'y en aurait que de belles. On en jugera par les noms suivants que l'on entend fréquemment. Astre du jour, bouquet de perles, étoile du matin, coup d'albâtre, aspect du soleil, Madame la gazelle, éblouissement des yeux, éclat du diamant, bouche de corail, face de lune, plaisir des yeux, délice du cœur. Note. Madame la gazelle, une des femmes préférées du chat, morte peu de temps avant mon arrivée en Perse, se nommait ainsi. Fin de note. À Recht, je fis la connaissance de la Chazadée, une des filles de Fès Ali Shah, surnommée la beauté de l'Empire. Note. En Perse, on est censé ignorer les noms des princesses royales. Ce serait un manque aux convenances que de les dire. Fin de note. Son influence était considérable dans le pays. Elle avait la confiance de Nasser Eddin, dont elle était la grand-tante, et qui la consultait souvent sur les affaires de son Andéroun. Cette princesse avait épousé un seigneur du Rilan, Mahmoud Khan, riche propriétaire et gouverneur d'une province. Ce haut dignitaire paya cher l'honneur de son alliance avec la famille royale. Après avoir eu plusieurs filles, la princesse lui donna un fils. Cette naissance fut fêtée par de grandes réjouissances. Au comble de la joie, Mahmoud Khan, en commémoration de cet heureux événement, fit frapper de petites pièces de monnaie qu'il distribua aux paysans de ses domaines. Cette munificence parvint à la connaissance de Nasser Eddin, qui en prit ombrage. Les ennemis du Khan en profitèrent pour insinuer au chat que son parent était un ambitieux, ne rêvant rien moins que de le détrôner. Nasser Eddin, effrayé, chargea Aïa Khan, à leur gouverneur du Rilan, de faire couper la tête à Mahmoud Khan, sans autre forme de procès. Mais ce fonctionnaire préféra le forcer à racheter sa vie et ne lui fit administrer qu'une simple bastonnade sur la plante des pieds. Il fut cependant porté mourant chez lui, quoiqu'il eût échappé à un grand nombre de coups en corrompant le bourreau moyennant une forte somme. Mahmoud Khan n'est pas le seul parent du chat qui ait reçu la bastonnade, peine considérée du reste comme le moins sévère des châtiments. Néanmoins, cette inique punition affecta profondément le moral de la victime. Pendant 3 ans, Mahmoud resta plongé dans une sombre mélancolie qui ne l'abandonna que lorsque Nasser Eddin lui eut accordé une réhabilitation complète en lui faisant cadeau d'un ralat qu'il reçut à Téhéran où il avait accompagné un ministre étranger en qualité de Mémadar. Note. Mémadar, maître de cérémonie qui va au-devant des envoyés étrangers auprès desquels il représente le monarque. Fin de note. Ce vêtement d'honneur considéré comme miraculeux, vu la guérison produite, est conservé comme une relique dans la famille de Mahmoud Khan. Note. Je tiens ces détails de la princesse même. Fin de note. Je vis le fils de la Chazadée, dont la naissance avait failli être si fatale à son père. C'était un petit bonhomme rondelé, grassouillé, âgé de 10 ans à peine, qui posait déjà en petit-fils de Fès Ali Shah. Tous ceux qui appartiennent à cette nombreuse famille offrent quelques ressemblances avec Nasser Eddin, dont ils ont surtout les yeux vifs et brillants, très caractéristiques de la tribu des Qadjars. On sait déjà que les Persans, sûrs d'y trouver asile, se mettent souvent en beste dans un des consulats européens. À l'époque où je me trouvais à Recht, l'hôte du consul anglais, je vis un campagnard qui s'y était réfugié. Pendant l'absence de son mari, la Shahzadée avait fait infliger la torture à ce pauvre homme pour le punir de ne pas avoir payé les redevances dues par lui pour la terre qu'il tenait en fermage. Le malheureux livré au ferrach avait été cruellement maltraité. Le proverbe arabe « Si le maître cueille le fruit, l'esclave arrache l'arbre » trouve ici son application, car souvent l'exécuteur d'un châtiment outrepasse la sentence à seule fin d'obtenir du patient un moudarel. Le mirza de la princesse, présent à l'exécution, touché des souffrances de l'infortuné et sachant qu'il n'avait pas l'édit tôment réclamé, offrit sa garantie qui fut acceptée. Mais le fermier débiteur, qui avait appris à ses dépens à ne pas se fier à la promesse de la Shahzadée afin d'éviter des mauvais traitements, alla se réfugier au consulat d'Angleterre où il resta plusieurs mois. Un jour, il se hasarda dans la rue et, pris par le ferrach bachi de la princesse, il fut de nouveau livré au supplice. Le consul intervint et obtint un délai. Si, à Recht comme à Téhéran, les représentants de l'Angleterre et de la Russie sont très puissants, ils sont aussi en province comme dans la capitale, en rivalité continuelle pour faire prédominer leur influence. Parmi les fonctionnaires persans, les uns appartiennent au parti russe et les autres au parti anglais. Des difficultés regrettables naissent sans cesse de cet antagonisme. Tel qui déplaît à l'anglais est sûr de se voir soutenu par le russe et réciproquement. Un fait au hasard. Il y a quelques années, le percepteur des impôts, accusé d'avoir accumulé trop de moudarel sans les partager avec le chat, fut passé par les baguettes, conduit, enchaîné à Téhéran et jeté en prison. Cet officier n'obtint sa liberté qu'en payant une rançon. Mais ses propriétés furent confisquées et l'on s'empara de tous les objets renfermés dans sa maison. Plus tard, l'agent infidèle racheta son poste et il l'occupait encore lorsque je le vis à Recht. À cette époque, et sur le rapport du consul d'Angleterre, le même percepteur fut menacé d'une nouvelle bastonnade et de l'exil. Il s'adressa au consul de Russie qui intercéda auprès du gouvernement persan pour qu'il permît à ce fonctionnaire de se rendre à Saint-Pétersbourg à la rencontre du chat revenant de l'Europe afin d'obtenir son pardon. Cette autorisation fut accordée et le percepteur partit pour la Russie avec le consul de ce pays qui l'engagea à se faire naturaliser russe, afin d'être à l'abri de toute poursuite à l'avenir. Il y a au Rilan un grand nombre de familles d'ancienne noblesse, déchues depuis l'avènement au trône de la tribu des Qadjars, elles se trouvent effacées par les favoris actuels du pouvoir. La rumeur publique prétend qu'à la moindre tentative que ferait la Russie pour s'emparer du Rilan, qu'elle convoite depuis longtemps, cette aristocratie mécontente s'empresserait de faire cause commune avec l'envahisseur. Il est d'ailleurs hors de doute qu'en Perse, les esprits commencent à être agités. La lecture des journaux persans, turcs et arabes, qui arrivent d'Europe et de Turquie, dessille les yeux des indigènes. Les sujets du chat s'aperçoivent que le régime sous lequel ils vivent doit prendre fin. Cette idée entretient une certaine fermentation dans la basse classe, plus particulièrement victime de tous ces abus. Un regrettable événement survenu le 3 avril 1878, veille du départ du chat pour son second voyage en Europe, mécontenta et irrita fort le peuple. Ainsi que je l'ai dit au début, les Persans envisageaient d'un très mauvais œil le goût que leur souverain manifestait pour les excursions lointaines dans les contrées de l'Occident. Une ancienne coutume veut que la veille d'un voyage, le chat se rende en pèlerinage à la mosquée de Shahzadeh Abdul Azim, située hors de la ville, au moment où le cortège traversait une place voisine du palais, la voiture royale fut abordée par un groupe d'individus portant l'uniforme militaire. L'un d'eux tendit une pétition qu'il tenait à la main. Nasser-Eddin prit l'écrit, mais ne le lut pas. C'était une supplique que lui adressaient les trois régiments d'Ispahan qui n'avaient pas reçu leur paye depuis plus d'un an et auxquels on venait de donner l'ordre de rejoindre le camp. Sachant que le chat, une fois parti, ils auraient à attendre son retour pour recevoir leur solde, ils le suppliaient de faire payer les arriérés ou un acompte et sollicitaient l'autorisation de rester à Téhéran où ils pouvaient travailler pour gagner leur vie. Note, les soldats peuvent exercer un métier quelconque tout en étant au service. Fin de note. De fort mauvaise humeur et assiégé de toutes parts, depuis plusieurs jours, par des demandes d'argent, le chat donna l'ordre de chasser les soldats qui continuaient à courir à côté de son équipage. Cet ordre fut aussitôt exécuté par les Ferhatch qui frappèrent si brutalement les militaires en pleine figure que quelques-uns eurent le visage ensanglanté. Furieux, ils lancèrent des pierres aux Ferhatch. Malheureusement, une d'elles vint briser une glace de la voiture royale. Quelques personnes de la suite furent atteintes, parmi lesquelles un chambellan, le fils du grand maître du palais. Ce jeune courtisan, ayant sur la figure quelques taches de sang, voulut montrer du zèle et s'approcha de la portière en disant « Sire, sauvez-vous, ce sont des babis qui veulent assassiner votre majesté. » Effrayé, le chat, un revolver au poing, fit lancer sa voiture au galop à travers les rues étroites du bazar, vers une caserne où il donna l'ordre d'arrêter les agresseurs. De là, il se rendit à la mosquée, où il ne resta que quelques instants. 2 heures après son départ, il était de retour au palais. Il fit aussitôt appeler le ministre de la guerre et plusieurs autres fonctionnaires. Hors de lui et aveuglé par la colère, il put à peine articuler ces mots à l'adresse de Hadji Mirza Hussein Khan, qui voulait le calmer. « Tais-toi, sinon je te fais mettre la corde au cou. » Le ministre tremblant se tut. Et tous suivirent en silence le chat, qui se rendit dans la cour du palais, où est situé le pavillon du trône. Là se trouvaient, au nombre de 23, les soldats arrêtés. Aussitôt qu'il les aperçut, Nasser-Eddin, s'adressant au bourreau en chef, qui était à ses côtés. « La corde pour 10 !» lui dit-il. « Lesquelles ?» demanda l'exécuteur en s'inclinant profondément. « Les plus grandes tailles !» ordonna le chat. 9 aides-bourreaux seulement se trouvant présents, la vie d'un homme fut sauvée. Ils s'avancèrent, saisirent chacun un soldat et après avoir passé une corde à leur cou, avec un nœud coulant, ils les étranglèrent séance tenante, en les traînant dans la cour d'allée dont ils firent plusieurs fois le tour. Nasser-Eddin assista à cette scène sauvage, suivant des yeux tous les mouvements des bourreaux qui tiraient les corps des suppliciés. Après avoir ordonné qu'on les laissât sans sépulture, exposés à la porte dite d'Ervasili Nao, on dépouilla les cadavres de leurs vêtements et des hamals, portefaix, accompagnés d'aides-bourreaux, les traînèrent dans les rues et les bazars. Note d'Ervasili Nao, porte 9. Fin de note. Les autres soldats arrêtés furent condamnés à avoir les oreilles coupées et à recevoir chacun 3000 coups de bâton sur le ventre et la poitrine. Nasser-Eddin entra ensuite dans son Andéroun avec la conscience d'avoir rempli un devoir et comme s'il avait fait la chose la plus naturelle du monde. Yahya Khan, chargé de faire exécuter l'ordre du chat, se montra bien plus humain. Il fit donner la bastonnade avec beaucoup moins de sévérité, sinon tous les condamnés eussent expiré sous le nombre de coups. C'est ainsi que, sans la moindre enquête, des innocents furent cruellement mis à mort. Pris au hasard, aucune question ne leur avait été adressée. On ignorait même leur nom. Parmi les soldats arrêtés se trouvait un caraoul au service d'un Anglais. Il appartenait au régiment de ceux qui avaient présenté la pétition. Ayant été envoyé au bazar par son maître, il avait été saisi et conduit au palais. À cause de sa haute taille, on lui avait déjà mis la corde au cou. Sa présence d'esprit le sauva. Protestant de son innocence, il répétait sans cesse le nom de l'Anglais, ce qui attira vivement l'attention du ministre de la guerre qui le connaissait. Le caraoul ayant pu expliquer la méprise dont il était victime, le ministre lui fit ôter la corde du cou et il s'en retourna chez lui, heureux et content. 3 jours après cet événement, le chat se mit en route pour l'Europe. Arrivé à la première étape, au palais de Kerch, il demanda à lire la pétition que lui avaient remise les soldats. La lecture de cette requête fut un trait de lumière pour lui. Malheureusement, il était trop tard, lorsqu'il apprit qu'il ne s'agissait pas de Babi, mais de pauvres soldats dont la conduite ne méritait point une si cruelle punition. Il ne dissimulait pas la mauvaise impression qu'un acte aussi injuste devait produire, non seulement en Perse et dans son armée, mais aussi en Europe. Ayant interrogé son chambellan, le fils du grand maître du palais, il rejeta sur lui la faute et la responsabilité de ce qui s'était passé. Car, ajouta-t-il, s'il ne lui avait pas dit que c'était des babis qui voulaient l'assassiner, il ne se serait pas effrayé et n'aurait pas fait mettre à mort ses soldats. Vivement irrité, Nasser Eddin Shah, pour punir son jeune chambellan, le condamna à une amende de 18 000 tomans. Note, c'est-à-dire 180 000 francs. Fin de note. Le père de celui-ci s'empressa de verser cette somme dans la caisse du Shah, car à cette condition seulement, le grand maître et son fils pouvaient continuer leurs fonctions au palais. Nasser Eddin télégraphia aussitôt à Téhéran l'ordre de payer immédiatement au régiment d'Ispahan les arriérés qui leur étaient dus et de renvoyer les soldats dans leur foyer. Il fit mettre en liberté ceux qui avaient reçu la bastonnade et fit compter à chacun d'eux 5 tomans. Note, 50 francs. Fin de note. Quant aux veuves et aux orphelins des infortunés mis à mort, il ordonna qu'on leur servît une pension viagère de 75 crans. Le résultat de cet événement fut que Sa Majesté, après avoir ordonné et présidé le massacre de 9 innocents et en avoir fait fustiger 14, empocha 180 000 francs. Le grand maître du palais, qui donna cette somme, dut payer sans réclamer. Étant aussi chef de la comptabilité, il dut certainement se rattraper sur les pauvres contribuables. Note, je tiens ces détails d'un témoin oculaire. Fin de note. C'est ainsi que la justice se pratique en Perse. Pauvre peuple, s'il se levait un jour pour demander réparation de tout ce qu'il a souffert et renverser ce régime de barbarie inouïe, ne serait-il pas excusable ? Fin du chapitre 54.